Vous écoutez ? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1. Et sur la toile, on peut nous retrouver sur la toile au ckrl.qc.ca. Heureux de vous retrouver ce soir en compagnie de quelques artistes de l'événement Musique Padère, un événement qui nous propose un programme sans pareil, audacieux, un programme de musique improvisée et de sonorités merveilleuses depuis quoi? Depuis août dernier, en tout cas pour ce qui est du programme de cette année. On va tout savoir ce soir parce que j'accueille avec moi des artistes, des musiciens, compositeurs de l'événement. Alors, on a pu voir et entendre, entre autres, jusqu'à maintenant, Tom La, Marie-Lou Cotinet, Philippe Lausier, Émilie Fortin, Laurie Friedman, Scott Thompson, bon, et j'en passe. Ça s'est passé dans de nombreux lieux et ça se passe encore dans de nombreux lieux de diffusion à Québec, à la Charpente des Fauves, dans les librairies, librairie Saint-Jean-Baptiste, je crois, Maison de la littérature, au Knockout, au Pantin, au conservatoire, tout ça dans la foulée parallèle de Québec Musique Parallèle qui se produit là, à peu près au même moment. En tout cas, cet automne, là, ça fait un programme d'activités sonores vraiment palpitant. Alors, c'est avec plaisir que j'accueille ce soir les porte-parole de ce projet magnifique. Ils sont à la fois commissaires, musiciens, organisateurs de cet événement. J'accueille Rémi Bélanger de Beauport et ses complices, Pascal Landry, François Paquette et Lux, qui est avec nous ce soir. Alors, on va essayer d'y aller rondement parce que on a connu quelques petits problèmes techniques. Là, je vais actionner mes micros pour qu'on puisse vous entendre. Alors, on pourrait peut-être faire un test de... Bonjour. Oui. Problème technique. Tout à fait. Alors voilà, musique pas d'air. Je trouvais que c'était une expression extrêmement riche, une expression extrêmement intéressante et je voulais absolument vous entendre sur ce qu'il y a derrière cette idée de musique pas d'air. Sur la philosophie ou un peu l'idée ou la vision qui anime cet intitulé. Oui, bien, je pense que la vision et l'idée derrière Musique pas d'air est aussi liée à son histoire, en fait, parce que Musique pas d'air, c'était, je ne sais pas, un organisme, parce que ça n'était pas un à l'époque, mais c'est une initiative qui est née autour de 2013, qui s'est solidifiée peu à peu jusqu'à vraiment 2016, où l'expression Musique pas d'air est apparue. Lors d'un événement double qui s'est déroulé dans ces années-là. Puis l'idée derrière les débuts de cette initiative-là, c'est ça, c'était vraiment de permettre à des musiciens, des musiciennes de l'extérieur qui voulaient passer par Québec, soit en passage vers Rimouski ou vers Montréal, ou simplement, des fois il y en a qui viennent seulement ici, de pouvoir se produire localement, finalement. Parce qu'il y a eu un trou d'événements, d'organisation de musique improvisée. C'est des musiques qui voyagent beaucoup, puis là, ça ne voyageait plus vraiment par Québec. Puis c'était quelque chose que plusieurs personnes ici trouvaient nécessaire de comme recommencer à faire vivre, parce qu'il y a eu des initiatives par le passé aussi, mais ça, pendant quelques années, il n'y avait pas grand-chose. Puis de là, l'idée de comme commencer un peu à tisser des liens avec des artistes de l'extérieur, avec des organismes de l'extérieur et des lieux de diffusion locaux, dont principalement, dans les débuts, l'Agité, Bacoop, l'Agité, puis la librairie Saint-Jean-Baptiste. Puis ensuite, ça a explosé. Donc, dans ces lieux-là, on avait des membres qui étaient, dont Luke Dawson et moi-même, Pascal André, qui étaient membres du comité de programmation, ce qui nous a permis d'avoir une salle disponible, facilement accessible pour des musiciens et musiciennes de l'extérieur qui voulaient venir jouer. Donc, Musique pas d'air, c'est aussi une initiative pour entendre cette musique-là, pour que la musique circule, mais c'était aussi une nécessité vraiment prenante qui découlait du fait que il n'y avait pas de salle, il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas d'événement, ou peu. Donc, c'était difficile pour avoir une régularité dans les événements. Donc, mm-hmm. c'était pour vraiment créer un bouillonnement là, qui se confirme d'année en année, finalement, là, qui grossit toujours. Bon, François, je te pose la question, mais évidemment que je la pose à tout le monde autour de la table. Mais vous êtes tous ou presque des musiciens de formation classique ou pas? Moi, en fait, oui. J'aurais pu dire de formation, là. Formation classique, ça marche pour moi. Ça sonne. J'ai une formation guitare classique à l'Université Laval, en fait, en interprétation. Mais en fait, tous ceux qui font partie ou qui ont fait partie ou qui vont faire partie de Musique pas d'air, c'est pas un prérequis à la base. Souvent, c'est plus, je dirais, l'inclinaison qui mène à ce genre de musique-là ou à une certaine éducation qui mène à ça, mais on vient vraiment de milieux différents. J'ai étudié en classique, mais je viens d'un milieu beaucoup plus rock, metal, dans ma jeunesse, quelque chose comme ça. Puis je pense qu'on a tous des parcours différents. Puis c'est ça un peu qui fait la beauté de Musique pas d'air et du mouvement, c'est que c'est un peu un dialogue de plein de styles, de plein de, ouais, tout de à fait. Provenances. Dites-moi, qu'est-ce qui fait qu'on chemine d'une formation, appelons-la classique, là, ou en mm-hmm. tout cas une formation académique de musique, pour glisser vers quelque chose de plus libre à certains égards, qui est l'improvisation? Donc, comment on devient improvisateur, finalement? Parce que pour moi, qui n'est pas un spécialiste de la musique, ni formé en musique, il reste tout de même que c'est fascinant de dire, bon, il y a sûrement quelque chose, il y a sûrement comme une propédeutique ou une préparation là, préalable pour se retrouver ensemble puis concerter, on va se dire comme ça. Donc, comment vous vous concertez pour faire cette musique d'expérimentation, je vais l'appeler comme ça ce soir. Lux, oui. Ah, allô, moi c'est Lux et ça fait vraiment pas longtemps que je suis dans Musique pas d'air. Là, il y avait beaucoup, beaucoup de questions dans votre question, donc je vais essayer de répondre à tout ça de manière assez concise. Comme par exemple, moi j'étais musicien avant d'être poète. Finalement, je suis devenue poète et je faisais de la musique improvisée sans nécessairement le savoir. Et à un moment donné, j'ai rencontré des gens qui faisaient de la musique improvisée et on s'est comme découvert une parenté. Moi, je fais de la poésie improvisée, agrémenté de sons. Donc, c'était comme naturel que, un moment donné, nos chemins se croisent. Tu sais, Québec, ça reste que c'est un petit milieu, là, les arts, là, puis à un moment donné, on finit par se rencontrer, se connaître. Puis, ma formation, à la base, moi, je suis assez autodidacte. J'ai grandi en région dans les années 80-90. La formation classique n'était pas nécessairement accessible en Abitibi. Hein? Donc, t'sais, j'ai appris de la flûte à bec là, à l'école primaire là, avec les autres. Puis après ça, ça a été des petits cours de piano donnés par un autre qui avait suivi des cours. Puis, t'sais, fait que ma formation musicale est comme ça. Elle a été glanée à gauche et à droite. Puis là, je me retrouve à jouer avec des musiciens professionnels. Alors que moi, dans le fond, t'sais, j'ai appris à gauche, à droite. J'ajoute de la poésie alors qu'il y en a déjà. Donc, j'ajoute mes mots. Mais toujours avec l'idée de ça va être improvisé, la structure va se faire dans l'écoute, avec les sensibilités. Donc, il y en a une structure. Il n'y a juste pas nécessairement de mélodie perceptible. Est-ce que ça répond à une bonne partie des questions? Oui, en fin de compte, c'est intéressant que ça démarche parce que je trouve que c'est très John Cage ou encore Marcel Duchamp, au sens où on est... il s'agit de se déclarer artiste ou il s'agit de se déclarer musicien pour faire partie de Musique pas d'air. Qu'est-ce que tu en dis, Lux? J'entends souvent parler du mot « vibe ». Non, il faut que ce soit compatible d'une certaine manière. Il y a une question d'énergie. Je mentionnais le mot écoute, le mot sensibilité. C'est des choses qui sont importantes. Puis c'est quasiment de la chimie, là. Tu sais, ça marche ou ça marche pas. Puis c'est pas des choses qu'on décide, qu'on choisit quasiment, là. C'est juste, on le sent, on pratique. On fait des petits concerts. Puis là, on voit qu'il y a comme une chimie qui s'installe. Puis on se dit, hey, c'est le fun. on remet tout ça. Puis finalement, à force de faire ce genre d'exercice-là, on vient qu'on rencontre des gens. Ça permet justement un bouillonnement, comme tu disais tantôt. Puis quand, c'est le fun quand on peut même aller d'une ville à l'autre puis faire grandir ça, justement, cette idée de partage et de rencontre. Rémi, Musique Pas d'air, c'est aussi associé à l'ensemble de musique improvisée. Donc, il y a comme quelque chose là, qui est un continuum là-dedans. Et d'où vient cette passion de la diffusion? Parce que, bon, il y a les créateurs qui sont devant moi, puis il y a cette passion de la diff. On a des belles questions. J'adore être ici à la croche-oreille. On a vraiment des belles questions bien larges. Je vais répondre avec un petit bout de mon parcours. Tu sais, moi, j'ai une formation... j'ai fini par avoir une formation aussi à l'université en classique. Mais avant ça, moi, j'avais 15-16 ans. Puis je pluguais ma guitare dans un ampli dans le sous-sol chez mes parents. Je mettais tout à 10. Puis là, ça faisait des sons inouïs, là, des affaires gossantes à souhait. Puis je pensais que j'étais tout seul au monde à faire ça. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, hey, non, il y a d'autres personnes qui font ça. Puis j'étais à Québec. Après ça, à un moment donné, je me suis ramassé à Montréal. Puis ça n'a pas été long que j'ai développé une pratique vraiment plus au violoncelle. Puis là, j'ai rencontré Jean de Rome, j'ai rencontré Laurie Friedman, puis toutes sortes de monde qui ont des langages, qui ont des façons de faire, puis qui m'ont invité à jouer tout de suite avec eux. Puis tu sais, j'ai habité presque 10 ans à Montréal. Puis on m'invitait à jouer sans que j'aie rien à faire, tu sais, une fois par mois au moins. Puis après ça... j'ai habité quelques années à Rimouski, où il y a aussi quand même une scène étonnamment très vibrante de musique improvisée. Puis après ça, en revenant à Québec, ben si j'attends qu'on m'invite, là, je vais attendre longtemps. Fait qu'il faut, ça prend des gens qui invitent. Fait que c'est ça, Musique Pas d'air aussi. C'est de créer l'opportunité. Tu sais, tantôt, Pascal disait, il y a des gens qui passent par Québec qui ont envie de jouer pour le monde de Québec, ben ça prend quelqu'un qui les organise, qui leur trouve un lieu, qui appelle la place, qui dit « OK, je vais te trouver une place où dormir, asseoir » et ce genre d'affaires-là. Fait que c'est ça, une partie de la mission de Musique Pas d'air, c'est des gens qui se mettent ensemble pour fournir la possibilité. Puis ben aussi, c'est une façon de fédérer une communauté. Fait que, par exemple, moi, un de mes projets à Québec, c'est l'ensemble de musique improvisée de Québec. Fait que c'est comme un peu c'est notre orchestre d'improvisatrices et d'improvisateurs. Disons-le, c'est moi qui m'en occupe, c'est mon projet, mais ça se passe sous le parapluie bienveillant de Musique Pas d'air, parce que c'est la musique improvisée, c'est mon projet, je fais partie de Musique Pas d'air, donc c'est ça. Il y a aussi un autre projet spécial qui s'appelle le groupe d'improvisation et création lunaire et expérimentale, qu'on appelle le GICLE. Puis ça, c'est un groupe à géométrie variable qui se réunit pour pratiquer en privé à chaque pleine lune et chaque nouvelle lune. Ça, c'est organisé un peu sous le modèle de l'autogestion par les personnes que ça intéresse. Puis, c'est chapeauté d'une certaine façon par Musique Pas d'air, mais en même temps, c'est aussi son propre truc indépendant. Fait que finalement, Musique Pas d'air vient comme créer les possibilités, mais aussi fédérer, puis créer aussi la communauté de musique improvisée à Québec. C'est intéressant, cette idée de communauté, parce que, bon, c'est comme l'axe transversal qui fait qu'on joue ensemble, qu'on travaille ensemble, qu'on pense ensemble. Lux, je te laisse la parole pour que tu vas nous conclure ça, parce que après on est là ce soir pour vous entendre aussi, pour écouter votre travail, en tout cas une partie de votre travail. Lux, vas-y. C'est ce que j'aime aussi du travail qu'on fait avec Musique Pas d'air, c'est le côté archives visuelles et sonores. Donc, tout ce qui a été nommé l'IMIC, le GICLE, on garde des traces écrites de qui a joué, quel instrument, quel endroit, quelle date. Puis tout ça, ça crée une trace de l'existence de la musique improvisée. Et ça, c'est important parce que sinon, personne pourrait dire que c'est réel, tu sais, il n'y aurait pas de traces tangibles. Puis moi, je suis fière de participer à ça. Et puis en plus, il y a un calendrier que vous pouvez... consulter. Saviez-vous qu'il existe le calendrier de Musique Podère? Mm. musiquepodère.com/agenda. Peut-être qu'on en parlera longuement après avoir fait un peu de musique. C'est sûr, c'est sûr. Alors, voilà, je vous, comme on dit dans les grands médias, je vous laisse vous mettre en place parce qu'on va démarrer ça. On vous écoute, Musique Podère. Ce soir, on accueille François Paquette, Rémi Bélanger de Beauport, Pascal Landry et Lux. Oh! Gros merci à vous. En fin de compte, ma question est toute simple, celle-là. C'est, bon, comment on se prépare, peut-être pas pour ce soir, mais comment on se prépare pour faire de l'impro? Bon, ce soir, on est vraiment dans un contexte là, où il y a plein d'imprévus, le studio, les micros, c'est la technique rudimentaire, on va dire ça comme ça. Mais reste, quand on se prépare pour donner spectacle qui va durer 1 heure ou 1 heure 30, là, comment vous vous préparez en prétendant, en arrivant sur scène, qu'on fait de l'improvisation? Comment vous faites ça, là? Comment on se prépare mentalement? Et qu'est-ce que vous échangez entre vous? Parce que c'est un peu mystérieux. Là, je vous pose une question, là, mais c'est toujours un peu mystérieux que cette improvisation, parce qu'on sait que vous êtes aussi d'excellents instrumentistes, vous êtes capable de lire la musique, et ainsi de suite. Donc, comment ça se passe? Les réponses sont très variables, puis peuvent varier d'abord selon les contextes de production, selon les contextes dans lesquels on se met ou on se commet. Puis même, je pense que c'est des questions qui frôlent le débat idéologique, même dans les milieux d'improvisation historiquement, d'hier à aujourd'hui. C'est pas une question claire, comment qu'on se prépare. Je veux pas rentrer dans les écoles de pensée, mais tu sais, il y en a pour plusieurs où ça nécessite une non-connaissance du contexte pratiquement de production pour pouvoir se commettre. Puis il peut arriver aussi parfois qu'on a un spectacle de musique dite improvisée, puis que là finalement on a 3-4 répètes avant, puis qu'on se plaît sur certaines formes, puis on décide un petit peu d'avance comment ça va jouer. Pour ce qui est, je pense, de notre pratique à nous, pour avoir l'expérience d'avoir joué avec tout le monde ici, par exemple, si on joue dans un grand groupe d'improvisation comme le Grill, où il y a un compositeur ou une compositrice invitée qui nous soumet une partition puis qui nous fait apprendre son langage pendant 3 jours avant de jouer sur scène avec des sections improvisées, le niveau de préparation va vraiment être différent de si, disons, pour remplir un trou d'un concert de musique Podère, il nous manquait de monde. Moi et Rémi, on dit « Ben gars, là, il n'y a personne, on va jouer ensemble. » c'est demain. Puis on se voit là-bas. C'est, fait que le niveau de préparation peut vraiment varier d'une préparation finalement assez serrée à une non-préparation totale. T'sais. Dans l'exemple que j'ai donné, cependant, si je dis à Rémi, on va aller jouer ensemble, bon, on a déjà quand même joué peut-être en petite formation une dizaine de fois, en grande formation probablement plus. Fait que le niveau de préparation, il est un petit peu intrinsèque. On le sait avec qui on va jouer. On le sait dans quel langage on s'inscrit. Or, par exemple, le 19 octobre prochain, je vais jouer dans un trio avec Anne-Laurence et Marie-Christine Roy. Marie-Christine, je la connais, une violoniste superbe de Québec que j'apprécie beaucoup. Anne-Laurence, une guitariste classique également que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrée. On s'est échangé quelques mots sur Messenger en préparation de l'événement. Là, ça va être ma rencontre avec Anne-Laurence va être 100%, disons, improvisé pour utiliser les termes qu'on utilise présentement. Fait que la question, comment on se prépare, on peut se préparer de différentes manières individuellement, par notre culture musicale, par l'écoute qu'on fait, par les autres styles musicaux qu'on pratique, par les autres formes d'art qu'on consomme, par nos états du moment aussi, par nos humeurs. On peut se préparer techniquement avec l'instrument si on en a envie. D'avoir, des fois, on a peut-être envie d'être plus prêt ou prête ou d'avoir développer un certain langage pendant un certain moment. Fait que cette préparation-là individuelle, technique, instrumentale, préparation du rythme de vie qui accompagne notre pratique improvisée, puis préparation aussi contextuelle, selon on va toujours en grand ensemble, en petit ensemble, dans un contexte formel, dans un contexte vraiment informel, dehors, en dedans, tu sais. Fait que je pense que la préparation, faut être préparé, faut se préparer à se préparer d'une certaine manière. Tu sais, faut être aussi, c'est avoir une capacité d'adaptation selon comment qu'on va se lancer, comment qu'on va se préparer selon le moment où on va se lancer. Puis ça peut varier. Puis je pense que c'est un peu notre rôle de se préparer à ces différents contextes-là. Oui, oui. Pascal, tu me fais penser à quelque chose. Disons, dans les jours qui précèdent là, un travail d'impro, est-ce qu'il y a une couple de phrases musicales que vous avez travaillées ou en tout cas une prémisse qui pourrait venir s'intégrer? ou si on arrive vraiment totalement libéré de l'expérimentation qu'on a fait en cours de route les jours ou les semaines précédentes? Ben, comme Pascal disait, je pense en fait ça dépend vraiment de l'événement, de la personne ou les personnes avec qui on va jouer, etc. Et de la personne qui joue elle-même, tu sais. Il y a beaucoup d'improvisateurs, des trucs qui aiment ça citer des. Je me souviens qu'on avait reçu Suzanne Alcorn à Librairie Saint-Jean juste avant la pandémie. Puis, tu sais, c'était un set complètement improvisé qu'elle faisait en majeure partie, mais elle aimait beaucoup citer. Tu sais, elle a fait du Wagner, elle a fait. Je me souviens plus de toutes les citations qu'elle a faites, mais tu sais, c'est des fragments. Messiaen, ouais, c'est vrai, elle avait fait Messiaen. Fait qu'il y a des musiciens qui aiment citer soit des compositeurs qu'ils connaissent ou des trucs comme ça, mais moi, personnellement, j'ai jamais eu vraiment une préparation aussi rigide dans le sens qu'on va avoir une minute de matériel écrit qu'on veut jouer et tout. Donc, ça peut peut-être arriver, mais ça sera pas... Ouais, c'est intéressant ça. Rémi, quand on s'était vu d'ailleurs, il y a presque une année complète au moins, tu faisais aussi part de tes sources d'inspiration. Bon, cette violoncelliste américaine dont le nom m'échappe. Charlotte Moorman. C'est ça qui était pour toi une pionnière à la fois, puis une inspiration qui probablement transite aussi dans le travail d'improvisation que tu fais de temps à autre, non? Pour moi, ma façon de me préparer à un concert, ou plutôt ma préparation, c'est toute une vie. Tu sais, quand j'arrive au concert, ben, c'est pas vrai que je suis pas prêt parce que je suis musicien improvisateur. C'est une bonne partie de ma démarche artistique depuis quasiment 20 ans. Fait que, à quelque part, j'ai développé l'art de ne pas être prêt. Mais c'est ma façon de me préparer, puis c'est mon expérience d'avoir joué, je suis rendu, je pense, plus de 500 concerts, un peu partout ici puis dans le monde, qui fait que j'ai développé ma pensée comme artiste. T'sais, si on pense à un artiste visuel ou une artiste visuelle, ben on se demande pas comment il se prépare. Ben, des fois, on se le demande, mais d'une toile à l'autre, on reconnaît la patte de l'artiste, sa signature. Fait que, tu sais, quand je me prépare au concert, ben, ma façon de me préparer, c'est de vivre ma vie puis d'être le plus moi-même possible sur scène. Puis, ben, c'est sûr que moi, comme artiste, dans ma démarche, ben, j'ai ces influences-là. Oh, tu sais, Charlotte Moorman, peut-être qu'il y a à quelque part une pièce de Caroline Stockhausen, peut-être qu'il y a une pièce de Nirvana, peut-être qu'il y a beaucoup de Ginette Renault quand j'étais enfant. Tu sais, toutes ces choses-là viennent dans ma démarche, mais il y a aussi une partie où ce que inspiré par leur performance, je suis vraiment dans la présence du corps, puis une approche où ce que c'est les réflexes du corps qui guident le son puis qui orientent plutôt désorientent qu'est-ce qui va s'en venir. Fait que c'est tout ça en même temps. C'est très intéressant. Luc, de ton point de vue d'artiste multidisciplinaire à certains égards, là... Disons ça comme ça. Oui, on va dire ça comme ça. On pourrait dire poète, mais on peut dire multi. Oui, tout à fait. J'ai envie de vous retourner la question. Vous, là, qu'est-ce que vous avez vu quand on s'est préparé pour faire cette performance? Ben, j'ai vu du mouvement et une liberté dans ce mouvement-là, dans le déplacement des objets, dans le travail de la guitare. On sent qu'il y a comme quelque chose qui est à la fois entre la maîtrise et la liberté complète, au sens où je me suis posé la question, mais peut-être que vous pourriez m'inviter à jouer dans votre band, puis peut-être que ça pourrait marcher. Et c'est ce que je trouve extrêmement intéressant dans la démarche que vous proposez, c'est cette espèce d'ouverture là, au fait que tu penses que tu peux nous accompagner dans le dialogue sonore, musical. Ben, let's go. Ben, je suis assez d'accord parce que dans les faits, là, moi, comment je me suis préparée à performer ici ce soir, là, c'est j'ai vu un trou dans mon horaire. Puis je me suis envenue à pied à partir de Saint-Sauveur, là, puis j'ai fait comme, bon, qu'est-ce que j'ai dans mon sac? J'ai regardé vite, j'avais une bouteille puis un stylo feutre, j'ai dit, ça va faire. Tu sais, en gros, c'est ça. C'est parce que il y a une question de les gens avec qui on performe, on peut s'imaginer un petit peu, pas qu'est-ce qu'ils vont faire, mais on peut s'imaginer si ça va fitter en quelque part. T'sais, puis c'est vraiment une question d'énergie. T'sais, là, je vois, mettons, Rémi avec son instrument, d'où on j'oublie toujours le nom. Le automaton. Oui. Ah, oui. Puis là, je me dis, ça veut dire que là, Rémi va faire beaucoup de mouvements derrière le micro, donc il va avoir de l'espace pour moi aussi pour faire du mouvement derrière le micro. Donc, tu sais, on suit un petit peu comme ça. Puis là, je voyais les autres, la guitare, la caisse claire et tout. Puis là, j'étais comme, ça veut dire que je peux faire de la percussion. Puis... avoir eu un petit peu plus de temps, je serais rentrée en poésie, tu sais. Mais c'est un processus qui vient naturel à force de se connaître, à force de reconnaître nos influences sans même des fois savoir d'où elles viennent, tu sais. Parce que moi, j'aurais jamais capté Ginette Renaud, tu sais. Pourtant, elle est bien là quand on le sait, tu sais. Fait que c'est vraiment une question de ça. Tout à fait. Et on sent aussi, bon, comme disait François, on peut puiser dans la culture musicale au sens très, très riche du terme, puis puiser à travers Ginette Renaud dans la culture populaire. Puis Pascal? Pour continuer ce que Luc disait par rapport à ce qu'on anticipe par rapport aux timbres instrumentaux qui peuvent se mettre ensemble, c'est un peu le rôle de Musique Podaire, chapeau organisation aussi, de proposer à des artistes locaux, en première partie, souvent des artistes de l'extérieur qui viennent, de jouer ensemble. Des fois, ça peut paraître spontané, mais finalement, c'est issu d'une rencontre qu'on s'est fait, puis qu'on dit comment on préfère fitter des sons qui n'ont jamais joué ensemble, ou des musiciens, des musiciennes qui n'ont jamais joué ensemble. Puis là, on se met des fois à brainstormer, puis dire « Ah, ben oui, ça pourrait être un fit. » Comme Tom là, lorsqu'il est venu, lui... Un artiste de l'État de New York qui est venu en août dernier, qui propose de la viole de gambe augmentée à l'électronique. Fait que là, finalement, le poète qui était là, puis Michel Côté, puis c'est Alix, Michel Côté, puis Marie-Lou Cotinet, ils se sont mis à travailler avec des instruments anciens, puis de la poésie médiévale, tu sais. Fait que là, Tom, là, amène son influence avec son instrument, la viole de gambe. Là, les artistes locaux, eux autres, changent complètement leur approche par rapport à ce qui s'en vient aussi. Puis c'était l'invitation, puis le fit, c'était un peu aussi nous qui avions pensé. Puis des fois, on le dit, puis ça... Quand on invite, ça a l'air justement d'être une idée qui nous vient sur le coin d'une table, mais c'est pas tout le temps le cas, tu sais. Tout à fait. Je vous arrête. On va poursuivre ça. J'avais le goût de vous faire entendre un extrait. Ça, c'est de l'ensemble de musique improvisée de Québec. Ça s'appelle « Corps céleste ». C'est du matériel que j'ai... Ça, c'est ma composition, oui, là. Oui, et c'est du matériel que j'ai glané pour qu'on puisse prendre une petite pause avec votre belle compagnie. C'est les artistes, musiciens, compositeurs, poètes de Musique Podaire. Alors, un grand merci d'être là ce soir. Puis on écoute ça. Ça s'appelle Corps céleste. Tu pourras nous en parler plus tard de cette composition. Composition de Rémi Bélanger de Beauport. Alors, on écoute ça. Thank you. C-K-R-L-89-1. Vous écoutez? La Croche-Oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1. Heureux de vous retrouver ce soir en compagnie de quelques artistes, compositeurs, compositrices, là, je vais ajouter, avec Lux qui est là, musicien, musicienne, poète, poétesse associée, regroupée autour de Musique pas d'air. C'est un événement qui nous propose un programme vraiment audacieux de musique improvisée, de sonorités merveilleuses. J'aime bien cette terminologie. Alors, je les accueille ce soir, Pascal Landry, François Paquette, Rémi Bélanger de Beauport, Lux, je vous souhaite la bienvenue. Et au fond, avant de vous laisser la parole, on y va d'une improvisation. Je vous passe la sono, puis on se parle ensuite ensemble. Alors, on vous écoute. Thank you. rue. La rue du Bonheur, la rue du Menteur. Rudimentairement, la rudimentairement vôtre, la rudimentairement vôtre. Bon, et j'aimerais tout de même qu'on parle ensemble de des projets à venir, parce que bon, je pense que cette fin de semaine-ci, vous avez été un peu occupé ou pas? On est toujours occupé parce que non seulement il y a tous les événements que Musique Podaire organise, mais il y a aussi tous les événements dont Musique Podaire fait la promotion. Puis Musique Podaire, c'est un organisme, mais c'est aussi des gens passionnés de musique qui vont voir des affaires. Fait qu'en fin de semaine, on était occupés, mais je pense qu'on n'organisait rien nous-mêmes. On a profité du fait que parfois, d'autres que Musique Podaire organisent à Québec. Là, c'est le Festival Québec Musique Parallèle qui nous a fait une fleur, là, qui nous a présenté des beaux concerts en fin de semaine, puis qui continue à nous en présenter quelques-uns à venir. Musique Podaire va collaborer avec Québec Musique Parallèle dans le cadre d'un concert. Quelle date, donc? C'est le 19 octobre. Ça va être notre 100e concert organisé. C'est une drôle de coïncidence qu'on en parle maintenant. Oui. Ben, je vous écoute parce que le 19 octobre, c'est tout de même une date importante parce que c'est un programme, comme tu dis, Pascal, c'est votre 100e prestation? Oui, ça donne que sur, tantôt, je faisais le compte juste avant l'émission, ouais. Dans 10 minutes avant l'émission, puis sur ma feuille, du moins, il y avait 100 événements. On en a probablement oublié dans nos archives textuelles, mais disons que la don était le fun. Fait que ouais. J'en ai profité pour dire 100. T'sais, c'est des chiffres comme ça qu'on, qu'on balance. Fait, si on pense aux auditeurs et au public, le 19 octobre, ça a lieu au Conservatoire, ce projet. Est-ce que vous autres, vous parlez de spectacle aussi? Comment vous qualifiez vos prestations? Comment vous concevez votre rapport avec le public? Je pense que comme la musique improvisée, les événements qu'on organise flirtent avec la tradition en même temps qui la renouvellent ou qui font autre chose. Moi, j'aime bien dire qu'on présente des concerts, mais c'est pas parce que c'est un concert qu'il faut que ce soit nécessairement pareil comme à l'orchestre, mais ça pourrait ressembler aussi au format. La plupart du temps, le public est assis, puis les musiciennes et musiciens se produisent devant le public, mais ça nous est arrivé souvent d'avoir des musiciennes et musiciens derrière le public, en dessous du public, au-dessus du... Fait que c'est... Mais, par exemple, le 19 octobre au Conservatoire, je crois que cette fois-là, on convie le public à une formule un peu plus traditionnelle dans sa présentation. On va être assis, puis on va regarder de la musique devant nous. Par contre, dans un tel écrin, ça permettra à la musique de flirter avec l'inouï. Hein. Mais tu sais, si je pense à récemment, on a reçu le percussionniste Ryosuke Kiyasu qui a joué au knockout, où là, le knockout, le disquaire, le public était debout. Kiyasu a une pratique très physique. Dans sa façon de jouer, son corps s'est approché de notre corps. On a senti ses cheveux presque dans notre face. Fait que ça a été... Mais en même temps, c'était quand moi, tant qu'à moi, c'était un concert. On a été là, profiter de la musique qui s'est offerte. C'est intéressant, Rémi. Tu nous rappelles tout de même qu'on est Musique Podaire, on est quand même ancré dans la culture musicale, dans la culture artistique en tant que telle et que tout à fait. Il y a comme un continuum là-dedans. J'aimerais qu'on parle aussi, il y a le 28 octobre, ça c'est Musique Podaire aussi, 28 octobre ou pas? Avec Weston Olecki, qui est de Berlin. Vous avez quelque chose à me raconter, sinon de nous rappeler à quel endroit ça se... Ah, moi, je continue. On raconte. Parce que Weston Olenki, ben, tu sais, tantôt, on expliquait un peu que Musique pas d'air, c'est créer des opportunités pour des artistes de l'international qui passent. Puis, ben, ça dépend un peu qui reçoit la missive. Puis, dans le cas de Weston Olenki, c'était moi, Rémi, qui a reçu sa... C'est un artiste de Berlin qui est originaire des États-Unis, qui habite à Berlin en ce moment. Puis sa pratique, c'est quelqu'un qui va jouer de l'auto-harpe amplifiée, banjo, électronique, dans une esthétique qui mêle à la fois des éléments folk, vraiment un truc hyper dans la déconstruction. Fait que Weston Olenki va se produire en solo. Puis, ce sera au conservatoire. Mm. Puis, en première partie, on aura un trio formé de Léo Azaria, un autre organisateur de musique podaire. Il y aura Lynn Goulet, la saxophoniste. Et il y aura peut-être Fred Lebrasseur à la percussion. Ça promet, c'est un programme. Écoutez, si vous avez le goût, je vous relance pour un dernier volet d'impro avant qu'on quitte les ondes. Alors, je vous laisse pour une dernière séquence d'impro. On est sur les ondes de CKRL, on écoute la croche-oreille et j'accueille ce soir la belle équipe de Musique pas d'air. Alors, François Paquette, Rémi Bélanger de Beauport, Pascal Landry et Lux. Alors, on les écoute. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie des artistes, musiciens Pascal Landry, François Paquette, Rémi Bélanger de Beauport et Lux. Je les remercie de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres. Cela dit, je vous rappelle que le programme de l'événement se poursuit 19 octobre, Musique pas d'air, et ensuite le 27. Alors voilà, c'est dit. Vous trouverez sur le site de la Croche-Oreille la liste des pièces entendues ce soir. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 21h pour une autre aventure sonore. Alors on termine la soirée sur des sonorités de Musique pas d'air. Alors au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue. Alors on poursuit ça jusqu'à la clôture de l'émission. Thank you.